fille, écoutez-moi. Je veux avoir avec vous un monologue particulier au sujet du beau-fils que je destinais à devenir mon gendre. Ainsi, prêtez un discours attentif aux oreilles que je vais vous tenir. Mon cher père, le sujet de votre discours m'intéresse infiniment, et si votre choix est d'accord avec le mien, je vous obéirai sans répugnance. Je n'en attendais pas moins, ma fille, de votre indocilité. Vous savez, ma chère Isabelle, que vous êtes la seule fille unique qui me soit restée de plus de 20 jumeaux qu'a eu Madame Cassandre. Elle mourut, hélas, et vous laissa entre mes bras orpheline et posthume. Dès ce moment, je résolus de me consacrer entièrement aux soins de votre éducation que je me plaisais à orner de grâces et de vertus. Et pour mieux y réussir, j'ai voulu devenir homme de lettres moi-même. J'achetai un emploi de professeur à l'université et j'ouvris ma maison aux plus beaux esprits. Mais, cher père, comment avez-vous pu devenir homme de lettres? Vous ne savez ni lire ni écrire. Vous n'y êtes pas, ma fille. Les lettres ne sont pas ce que vous croyez. Pour être homme de lettres, il suffit de donner à dîner le dimanche à des gens qui savent lire et écrire. Or donc, ma chère Isabelle, j'ai conçu un projet qui doit nous couvrir de gloire tous les deux. Je vais organiser un concours et celui qui fera la plus belle dissertation deviendra mon gendre. Et vous, ma fille, vous aurez l'honneur d'être un prix académique. Comment ? Ventre bleu, mon père, que voulez-vous dire avec ces coq-à-l'âne ? Sachez que si je me marie, c'est pour devenir femme et non pas un prix académique. Et toutes les dissertations n'y feront rien, afin que vous le sachiez. Ma fille, vous le prenez là sur un ton bien étrange. Auriez-vous eu l'insolence de disposer de votre cœur sans avoir consulté ma main ? Oui, mon père, j'aime. Et si vous voulez contraindre mes inclinations, je suis décidé à me jeter dans un couvent à la tête la première. Et peut-on savoir le nom de l'heureux mortel dont vous avez fait choix ? Mon père, celui que j'aime n'est pas un mortel. C'est Monsieur Léandre qui est caporal dans la garde. Qu'entends-je ? Une fille d'un homme de lettres deviendrait la femme d'un caporal ? Ah, fille ingrate ! T'avais-je donc nourri dans le sein d'un serpent pour que tu deviennes la honte de la famille ? Mais il n'en sera rien. Je vais de ce pas chez le docteur et sans plus de prix ni de concours, je veux que tu l'épouses ce soir. Car aussi bien, c'est lui qui aurait remporté le prix de dissertation. Adieu, je reviens à l'instant. Il s'en va et me laisse en proie à la solitude. Encore, si Léandre venait en ce moment. Mais que vois-je ? C'est le facteur qui m'apporte une lettre. Elle est de Léandre, il l'a cachetée, ce sont peut-être des secrets. N'importe, il faut que je la lise tout haut. Chère amante, loin de vous, les éternités me semblent des heures, et les minutes passent comme des instants. Si j'étais près de vous, l'absence ne me ferait rien du tout. Aussi, je ne manquerai pas de venir ce soir entre la poire et le loup, comme on dit, entre le chien et l'heure du berger, avec laquelle j'ai l'honneur d'être. Ah oui, voilà une belle affaire. Monsieur Léandre va venir ici à l'heure du chien de berger, et en attendant, le docteur aura fait de moi un prix académique. Que faire ? Qu'inventer ? Mais que vois-je ? Voici Léandre lui-même. Ah, cher amant. Amant adoré. Cher amant. Je te perds pour toujours. Que dites-vous ? Oui, rien n'est plus certain, car dès ce soir, je deviens un prix académique. Comment ? Et cela vous empêchera-t-il de devenir ma femme ? Sans doute, puisque le docteur, ce soir... Eh bien quoi, le docteur, ce soir ? Oui, le docteur doit me... Eh bien quoi ? Que doit-il vous ? Il doit me... Ah, je n'ai pas le courage d'achever... Il doit vous. Il doit me faire une dissertation. Ah, Zerzabel, ne le craignez point. Je resterai auprès de vous, et avant qu'il soit arrivé à la portée de sa dissertation, je lui passerai mon épée au travers du corps. À mort, à tête, à ventre, Gerniquen, vertu Dieu. J'espère, docteur, que vous ne vous êtes pas fait mal. Au contraire. Mais voilà monsieur qui nous a fait l'honneur de tomber aussi et que je n'ai pas l'honneur de connaître. C'est sans doute un de ces gens de lettres qui a attiré ici le bruit du concours. Dites que oui. Oui, monsieur. Je suis effectivement un de ces gens de comment disiez-vous déjà? Un genre de lettres? Oui, oui, c'est cela. Je suis un genre de lettres attiré par le concours du bruit que l'on faisait ici. En ce cas, monsieur, vous me voyez prêt à disputer avec vous, sur quelque sujet que ce soit, et dans la langue qu'il vous plaira de choisir. Voulez-vous que nous parlions hébreu, latin, grec? Eh bien, monsieur, vous n'avez qu'à parler grec. Volontiers. Voici mon thème. Menin, Eide, Te, Apele, Aides, Akineos, ou Lumenen, Eburia, Akaiois, Alge, Eteke. Mais qui est-ce qui a fait ce grec-là? Qui a fait ce grec? Vous me le demandez? Oui, monsieur, je vous demande qui a fait ce grec. Eh, pardieu, quel autre put le faire qu'Homère? Quel autre qu'Homère a parlé le langage des dieux? Quel autre qu'Homère? Eh, allez vous promener avec votre qu'Homère. Apprenez que si vous faites faire votre grec par vos commères, moi je le fais tout seul. Et d'ailleurs, vous allez en juger. Accordez vos bois, jouez la ritournelle pour chanter dignement Cassandre et Zerzabel, ou plutôt pour chanter Zerzabel et Cassandre. Accordez vos bois sur le ton le plus tendre. Ah, mon Dieu, que cela est beau! Cela est effectivement très beau. Cela peut être fort beau, mais monsieur, vous me permettrez de vous faire observer que ce n'est pas du grec. Comment, ce n'est pas du grec? Et je vous soutiens, moi, que c'est du grec. Sans doute que c'est du grec. Il faut même que ce soit du très bon grec, car je l'ai parfaitement compris. Mais, monsieur, je puis vous certifier. Mais, monsieur le prétendu docteur, vous êtes bien osé pour prétendre soutenir à monsieur Cassandre. Monsieur Cassandre, il faut être bien osé pour venir présenter à un homme comme vous du grec fait par sa commère. Et à votre place... Oui, monsieur, vous avez raison. Et vous, monsieur le docteur? Mais, il n'y est plus. Apparemment qu'il se regarde comme battu. Mon cher père, il ne peut se regarder autrement. Je lui ai donné plus de 20 coups de pied dans le ventre. En ce cas, monsieur, rien ne peut plus mettre un empêchement aux obstacles qui s'opposaient à votre bonheur. Je vous donne ma fille ainsi que toutes mes rentes. Viagère. Ah, monsieur, je ne peux accepter. Non, monsieur, et je veux que cela soit ainsi. Embrassons-nous.